إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق عليك. متفق عليه. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: قال الله تبارك وتعالى، donc Allah عز وجل، Allah تبارك وتعالى a dit، donc c'est un hadith قدسي: يا ابن آدم، ô fils d'Adam، أنفق عليك، dépense et moi je dépenserai pour toi. متفق عليه، rapporté donc par Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih. On voit par ce hadith qu'il ne faut pas craindre de dépenser pour sa famille, voire même pour soi quand on est dans le besoin ou autre, ou à donner des sadaqat aux pauvres. Et quand on fait ça, eh bien Allah Azzawajal, lui, dépensera aussi pour nous. Donc il ne faut pas avoir peur de donner. Maintenant, on va prendre le cours de fiqh, Inch'Allah, qui est toujours sur le livre qui s'appelle Murtasaru Abi Shujar de l'imam Abi Shujar rahimahullah dans le fiqh Shafi'i, et nous étions dans le livre du Hajj, le kitab al-Hajj. Et l'imam Abi Shujar rahimahullah a dit: Warkanu al-Hajj arba'a, et les piliers du Hajj sont au nombre de 4. Alors les piliers, comme on va le voir Inch'Allah, si un des piliers qu'on va citer parmi les 4 n'est pas, le Hajj n'est pas valide. La personne n'a pas fait de Hajj. D'accord ? Contrairement à ce qu'on va voir par rapport aux wajibat. Et il y a aussi des wajibat dans le Hajj, des choses qui sont obligatoires, qu'on dit wajibat. Mais si la personne ne fait pas ses wajibat, le Hajj il est valide, mais il a fait un péché. Et il y a, pour rattraper le fait de devoir délaisser un wajib, on peut faire une expiation comme on va voir. D'accord ? Et on va voir aussi qu'il y a ce qu'on appelle des mahzourat, des choses qui sont interdites durant le Hajj. Et la grande majorité des choses qui sont interdites dans le Hajj n'invalident pas le Hajj, d'accord? Comme le fait de se mettre du parfum, c'est un péché de se mettre du parfum pendant le Hajj, mais ça n'invalide pas le Hajj. Le Hajj, il est valide. Et on va voir en détail c'est quoi qui annule le Hajj. Déjà d'une, il faut les 4 piliers. S'il n'y a pas les 4 piliers, le Hajj est invalide. D'accord, il n'est pas sahih, ou ghayr sahih, ou batin. D'accord, il n'est pas de Hajj. Donc le premier rukn, le premier pilier, al-ihram ma'an-niyya. C'est l'ihram avec l'intention. Et sachez que l'ihram c'est quoi? Eh bien c'est an-niyya, c'est l'intention. Al-ihram. Al-ihram qui est le masdar du verbe ahrama yuhrimu ihraman. D'accord, la wazn af'ala, misl aslama yuslimu islaman, fahwa muslim, fahwa muhrim. C'est pour ça qu'on dit que celui qui fait le hajj, il est hajj, et on dit qu'il est muhrim, parce qu'il est en état, il est rentré en état de ihram, il a fait le verbe ahrama, yuhrimu ihraman, fahwa muhrim. Et quand est-ce qu'on devient muhrim, donc quand est-ce qu'on rentre dans ce qu'on appelle l'ihram? C'est par la niya, c'est par l'intention. D'accord? C'est l'intention. Certains disent que l'ihram, c'est les deux vêtements blancs qu'il faut se mettre autour. D'accord? Alors, si c'est ça, donc la femme, elle ne fait jamais de hajj alors, vu qu'elle ne met pas de tissu blanc, comme vous le savez, elle reste avec ses habits normaux. Donc elle ne rentre pas dans le hajj. Vous me direz si. Eh oui, elle rentre dans le hajj, la femme, sans mettre les vêtements blancs, mais en faisant l'intention de rentrer dans le hajj, d'accord, en faisant le hajj. Donc l'ihram, c'est la niya, d'accord. Bien sûr, il y a des sunnan, il y a des choses qui sont sunnan, qui sont bons à faire quand on fait l'ihram. Et aussi, il y a des, comme on le verra en détail, il y a l'ihram, il est demandé obligatoire de le faire à certains points, de ne pas dépasser des limites sans avoir fait l'ihram avant. Parce que si on le fait après, le hajj il est valide. D'accord? Tant qu'on a fait l'ihram avant le Arafat ou pendant qu'on est à Arafat, c'est bon. Mais il y aura un péché parce qu'on n'a pas fait l'ihram aux limites qui sont définies. D'accord? C'est dommage que j'ai pas un tableau parce que ça aurait été mieux, plus simple et plus explicite pour vous expliquer, notamment le hajj. Le hajj, on l'explique beaucoup mieux avec un tableau. Sauf pour ceux qui l'ont déjà fait. Donc l'ihram, c'est la niyya, c'est la niyya, c'est l'intention de rentrer dans en état de sacralisation. En état de ihram, d'accord, min al-hurma. Et comme on va le voir, inshallah, suivant d'où on vient, dans le monde, de l'Est, ou dans l'Ouest, ou au Nord, ou au Sud, eh bien, ou de tel pays, eh bien, il faut faire le ihram à certains points. Il ne faut pas dépasser ses limites, ses frontières, on va dire, sans en faire l'ihram. On peut le faire avant. Par précaution, on ne peut pas le faire après. Si on le fait après, on a fait un péché, mais le hajj est quand même valide. D'accord? Il y a un péché qui est fait, mais ce péché-là n'empêche, n'annule, n'invalide pas le hajj. Par contre, si la personne qui va au mont de Arafat, d'accord? Pendant la journée, jusqu'au Maghreb, et après il s'en va, il va à Mina. Et il n'a pas eu l'intention de l'ihram, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu l'intention de faire le hajj, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé comme ça parce que il se promenait ou autre, ou il accompagnait quelqu'un qui faisait le hajj et qu'il n'a pas eu l'intention. Eh bien, lui, il n'a pas le hajj, parce qu'il faut avoir l'ihram au minimum quand on est à Arafat, pour avoir le hajj sahih. Bon, d'accord? Donc, le premier pilier, c'est l'ihram. Et c'est quoi l'ihram? C'est al-niyya, ou al-niyya dukhul fil hajj. C'est la niyya, l'intention de rentrer dans le hajj, de devenir hajj, à la one farid. Deuxième pilier, wal-wukuf bi Arafat. Et le fait, donc, de s'arrêter à Arafat. Alors là, on va un peu détailler, inshallah. Pour ce qui est le fait de s'arrêter à un moment donné au mont Arafat, à toute cette zone qu'on appelle Arafat. Et attention, c'est bien délimité. Maintenant, ils mettent des panneaux. Il faut bien entrer à l'intérieur de Arafat. D'accord? Donc là, je vais détailler, Inch'Allah, je vais lire des annotations. يبتدئ وقت الوقوف من زوال اليوم التاسع إلى طلوع الفجر اليوم العاشر. Dans la majorité des savants, le début de l'heure du wukuf, donc de là où on s'arrête pour Arafat, commence du zawal yom tassir, du là où il y a le zawal, c'est-à-dire qu'à partir, on va dire, à partir de la prière de Zohr, de la rentrée de la prière de Zohr, du neuvième jour de quoi? Du neuvième jour de Dhu al-Hijjah, d'accord, du mois qui s'appelle Dhu al-Hijjah, Dhu al-Hijjah, qui après le mois qui s'appelle Dhu al-Qa'da, ou Dhu al-Qa'da, on a le droit de dire les deux, et que ce mois-là est après Shawwal, et Shawwal est après Ramadan. C'est-à-dire qu'il y a Ramadan, le mois de Ramadan, après il y a le mois de Shawwal, après il y a le mois de Dhu al-Qa'da, ou al-Qa'da, et après il y a le quatrième mois qui est Dhu al-Hijjah. Et le jour de Arafat, c'est le neuvième jour, d'accord? C'est le neuvième jour de Dhu al-Hijjah. Il faut donc pour la prière, donc Arafat commence à la prière, à l'heure, au début de l'heure de la prière de Dhuhr, d'accord? Au Zawal, c'est-à-dire au zénith du soleil, du neuvième jour de Dhu al-Hijjah. Ce qui veut dire que celui qui a été au mont de Arafat, dans la matinée, d'accord? Dans l'heure de Duha, dans l'heure de Duha, dans la matinée, du neuvième jour de Arafat, il n'a pas fait le rukn de Arafat. Il n'a pas fait le rukn de Arafat. Il faut arriver au maximum, ou au minimum, selon comment on le dit, au Zawal, c'est-à-dire que là, au zénith du neuvième jour de Dhu al-Hijjah, pas avant. Sinon, il n'y a pas Arafat. Le Arafat n'est pas compté. Donc, il n'a pas le rukn, le deuxième rukn qui est Arafat. Et je vous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour bien démontrer l'importance de ce rukn qui est Arafat, il a dit Al-Hajju Arafat. Le Hajj, c'est Arafat. C'est comme s'il avait dit Arafat, ce n'est que Arafat et pas autre chose. Pour bien définir, pour bien faire comprendre que le Arafat, c'est très important, c'est un pilier et pas n'importe lequel. D'accord? Donc ça commence à partir. Donc pour que le fait de rester à Arafat soit valide, il faut arriver au minimum au moment du zénith de Arafat. d'une zénith du 9e jour de Dhul Hijjah, et c'est jusqu'à quand? Ila turu'i fajr yawm al-ashir, jusqu'à à l'apparition du fajr du 9e du jour du 10e jour du mois de Hijja. Ça veut dire qu'une personne qui vient à Arafat, je dis juste là après pour bien comprendre, wa lahza laylan wa nahar, et même si c'est un moment, un court moment, d'accord, quelqu'un qui rentre à qui va à Arafat, qui reste, on va dire une minute, ne serait-ce qu'une minute, il vient à Arafat, il reste une minute, laylan wa nahar, dans la nuit ou dans la jour, mais dans cette période qu'on a dit, même s'il reste qu'une minute, même moins d'une minute à Arafat, il a le roukn, il a le pilier de Arafat, d'accord. C'est-à-dire qu'une personne qui vient, par exemple, à l'heure de la prière de Dhuhr, au début de la prière de Dhuhr, à cet endroit qu'on appelle Arafat, le 9e jour de Dhu al-Hijjah, d'accord, qui reste une minute, une fois que pendant la prière de Dhuhr, l'heure de Dhuhr est rentrée, il reste une minute, et qui s'en va, il a eu son rukn, le rukn, le pilier de Arafat. De même, et ça, s'il le fait, si donc de la prière de l'heure de la prière, l'heure de la rentrée, depuis la rentrée de l'heure de la prière de Dhuhr du 9e jour, jusqu'au, bien sûr, à l'Asr qui arrive, jusqu'au Maghreb, et quand? Et rappelez-vous bien que quand le Maghreb arrive, on rentre au 10e jour, parce que dans les mois lunaires et dans l'islam, les jours ne commencent pas à minuit, à 0h du matin, d'accord, ils ne finissent pas à minuit, mais ils finissent à la dernier moment de la prière de l'Asr, et le jour prochain commence à l'entrée de l'heure du Maghrib. C'est-à-dire qu'en ce moment, l'heure où je vous parle, on est Jumu'ah, on n'est plus Al-Khamis, là on est le vendredi, on n'est plus le jeudi. À l'heure où je vous parle maintenant, là, il est 20h42, en ce moment où je vous parle, dans le calendrier, comme les koufars comptent, et c'est par rapport au calendrier notamment solaire, on est toujours jeudi. Mais nous, musulmans, en prenant en compte le calendrier égérien, calendrier lunaire, comme on compte, on est, depuis l'heure de Marib, on est rentré vendredi. C'est pas à 0h, c'est pas à minuit 1 qu'on rentre vendredi. Non, chez nous, c'est à partir de Marib qu'on est rentré dans le jour du vendredi. Donc là, on est vendredi, là, en ce moment. On est dans la nuit du vendredi, d'accord. Toute cette nuit-là, c'est vendredi. Alors que, comme on calcule, par exemple, les Français, pour eux, la moitié de la nuit, il y a une moitié de la nuit qui est pour le jeudi, et l'autre moitié de la nuit qui est pour le vendredi. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Chez les musulmans, ce n'est pas comme ça. La nuit entière est pour le jour qui arrive. Donc là, on est dans la nuit du vendredi. D'accord? Je vous rappelle ça pour bien comprendre cette parole que je dis. Donc, le fait de rester à Arafat est valide quand on vient au 9e jour de Dhul Hijjah, à partir de la rentrée de l'heure de la prière de Dhul, jusqu'au... Donc, ça fait toute l'heure de Dhul, toute l'heure de Ras, toute l'heure de Maghrib Aisha, et là, on est rentré au 10e jour de Dhul Hijjah, d'accord, donc toute l'heure de Maghrib Aisha, et aussi de l'Aisha jusqu'à le début de l'heure de Fajr. C'est-à-dire qu'une fois que l'heure de Fajr rentre, le fait de venir à Arafat n'est pas valide. C'est-à-dire quelqu'un qui est venu au début de l'heure de Dhuhr, ou au début de l'heure de l'As, ou au début de l'heure de Maghrib, ou au début de l'heure de l'Aisha, ou qui vient à la fin de l'Aisha, il va venir par exemple 5 minutes. Une personne vient à la fin 5 minutes avant le Fajr du 10e jour de Dhul Hijjah, et il s'en va, il reste qu'une minute, d'accord, et il s'en va à la fin, il a eu le rukn, il a atteint le rukn, d'accord. Donc le fait de rester, le fait pour que la présence à Arafat soit valide, pour que le rukn en lui-même, le pilier soit valide, il faut venir dans ce laps de temps qui est moins de 24 heures, parce que c'est le Dhuhr jusqu'au le début du Dhuhr du 9e jour jusqu'au Fajr qui arrive. Donc c'est moins de 24 heures. Donc il faut arriver dans cette période-là et rester au moins un instant pour que le fait de rester au Hajj soit valide et soit compté comme un pilier. On va venir après sur certaines choses. Warin al-Hanabila et chez dans le Mazhab al-Hanbali, yabtadi'u min fajr al-yawm at-tasi'. Dans le Mazhab al-Hanbali, l'heure commence non pas à partir de la prière de Dhuhr du 9e jour, mais à partir de la rentrée du Fajr, donc à partir de la rentrée de l'heure de la prière de Fajr du 9e jour. Donc c'est avant Dhuhr, d'accord. Ça c'est dans Mazhab al-Hanbali. Ensuite, وعند الجمهور إن وقف نهارا وجب عليه مد الوقوف إلى ما بعد الغروب. Dans la majorité, et ça c'est dans la majorité, c'est dans tous les, dans trois madhabs sauf dans le madhab Shafi'i, donc c'est le madhab Hanafi, Maliki et Hanbali. Attention, parce que là juste avant ceux qui avaient divergé de la majorité, c'était le madhab Hanbali, maintenant c'est le madhab Shafi'i qui va diverger. Donc dans la majorité, et Nwakafanahan, si une personne vient pour le pour au jour de Arafat, Naharan dans la journée, c'est-à-dire qu'il vient avant la dispersion du soleil, avant donc que la prière, que l'heure du Maghrib rentre dans la journée, alors qu'il fait jour. Wajib alayhi madul wukuf ila ma ba'd al-ghurub. C'est obligatoire. Sur lui, c'est wajib. Et c'est pas un rukn, comprenez bien. Ce n'est pas un rukn, c'est wajib. C'est obligatoire de lui de rester, de faire continuer al-wukuf, le fait donc de rester à la fin, ila ba'd al-ghurub, jusqu'à après le ghurub. Et un petit peu après, jusqu'à ce que le soleil soit complètement couché, et donc l'heure de Maghrib soit bien rentrée, là il peut partir. Si donc, d'accord, ça ce n'est pas wajib, c'est sunna, donc c'est bien, mais ce n'est pas obligatoire de le faire. Et donc là, il faut bien comprendre, comme j'ai fait l'allusion au début du cours, entre un rukn et un wajib. C'est comme pour la prière, notamment chez les Hanabilat, dans la prière, comme on a vu, il y a des choses qui sont rukn, des choses qui sont wajib, des choses qui sont sunna. Pour le hajj, c'est comme ça aussi. Un rukn, si une personne ne fait pas un rukn dans le hajj, donc les quatre arcanes qu'on est en train de voir, le hajj il n'est pas valide, il est invalide, il n'a pas de hajj. Celui qui ne fait pas un wajib, et donc le wajib en fin de compte c'est un degré en deçà, c'est un degré en dessous du pilier. Si la personne qui ne fait pas un wajib une obligation, ce qu'on appelle un wajib une obligation, eh bien son hajj est valide mais il fait un péché. D'accord, son hajj est valide mais il fait un péché et il peut faire une expiation pour rattraper ce wajib. D'accord ? J'espère que ceci est bien compris. La différence entre un rukn, un pilier, et un simple, entre guillemets quand je dis simple, un simple wajib, une simple obligation qui n'a pas atteint le niveau de rukn. Ça veut dire que dans la majorité, celui qui vient et qui reste une minute dans la journée du 9e jour, il a son hajj, même s'il s'en va, d'accord ? Il a eu le rukn, le pied du hajj, il l'a. Même s'il s'en va avant le ghuroub, même s'il s'en va avant le coucher du soleil, il a le rukn. Par contre, il n'a pas fait un wajib, donc il a un péché. Mais le rukn, la validité du hajj, il l'a. C'est compris? Voilà. Et ça, c'est dans le jumhur, c'est-à-dire, sauf dans les shafi'is, parce qu'ils disent que c'est sunnah. Ensuite, l'aynal jamir, et dans l'ensemble, donc dans l'ensemble des quatre madhab, d'accord? Les quatre madhahib, les quatre écoles. Iza waqafa laylan, fala yajib alayhi shay. Si il vient, il s'arrête donc à Arafat dans la nuit seulement, alors il n'y a rien sur lui, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'obligatoire sur lui. C'est-à-dire qu'une personne qui vient, qui va au monde d'Arafat, après que le Maghreb est rentré, une fois que le Maghreb est rentré, donc il n'est pas venu dans la journée, mais il est venu après la rentrée du Maghreb, et qui reste ne serait-ce qu'une minute à Arafat, eh bien il a eu son rukn, et il n'a pas de wajib à faire, il n'a pas d'obligation à faire. D'accord? Et ça c'est dans les quatre écoles, il n'y a pas de problème pour ça. Donc le problème, c'est dans la majorité, comme on a vu, celui-là qui vient dans la journée, si au monde d'Arafat, il est obligé de rester jusqu'à l'heure du Maghreb, rentre. S'il sort avant, son hajj est sahi, le rukn, il l'a. Par contre, dans la majorité, il a loupé un wajib, donc il a un péché. Mais le rukn est valide, et son hajj sera valide, inshallah, aussi. Voilà, ça c'est une chose qu'il faut bien comprendre, bien saisir pour la station au monde de Arafat, et qu'il faut, pour ne pas louper son hajj, il faut bien faire attention, parce que si on le fait avant cette période ou après cette période, d'accord, aller à Arafat avant ou après, et bien le hajj, il ne peut pas être valide. Voilà, yazamillah, d'accord. Déjà, la première condition, faire l'ihram, donc la niya, même si une personne vient, il va, et qui s'habille d'habits qui est cousu comme un pantalon, une veste, et puis qui se couvre la tête, et puis qui met du parfum, et qui va, mais qui a l'intention, qui dit je rentre dans le hajj, et qu'il n'a pas fait ça, ce qu'on appelle au mawaqit, donc aux endroits, mais qu'il fait une fois seulement qu'il est arrivé à la Mecque, l'étranger qui vient à la Mecque, donc il a fait plusieurs interdictions, d'accord. Mais s'il va à Arafat le 9e jour, ne serait-ce qu'un instant, D'accord? Après, par exemple, la prière de Dzor, il reste qu'une minute, on va dire, et il s'en va. D'accord? Eh bien, il a le rukn du Hajj. Il a le premier, l'ihram, et le deuxième, qui est le fait de rester à Arafat. Par contre, il a fait des mahzourat, des interdictions, et il n'a pas fait toutes les obligations. Et donc, il a des péchés qu'il pourra faire, qu'il pourra mettre des expiations, mais il aura les deux rukn du Hajj, et il lui restera plus que deux autres afin que son Hajj soit valide. Sauf s'il va faire une mahzourat bien précise, ou plutôt deux mahzourat précises qu'on va voir, Inch'Allah. Le Hajj, Inch'Allah, c'est pour ceux qui l'ont pas fait, si ça n'a jamais étudié, c'est un petit peu compliqué pour comprendre, mais Inch'Allah, j'essaie de faciliter et de répéter pour bien que cela soit compris. Troisième pilier, comme a dit l'imam Abu Shuja, wa tawafu bil bayt. Le tawafu bil bayt, donc le fait de tourner autour de la maison. C'est-à-dire autour de la maison, c'est quoi? Donc c'est ce qu'on appelle, comme vous savez, al-Ka'ba. Al-Ka'ba. D'accord? Ça, c'est un rukn. Je vais maintenant vous lire des annotations que j'ai écrites sur ceci, pour expliquer un petit peu ce rukn, bien qu'on va y revenir normalement. Ce tawaf, qui est un rukn, il s'appelle tawaf al-Ifada. D'accord? Ou tawaf al-Ziyara. On l'appelle généralement tawaf al-Ifada. Et attention, c'est le tawaf al-Ifada qui est rukn. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on arrive au Hajj, suivant dans quel, parce qu'il y a trois états dans lesquels on peut rentrer dans le Hajj, comme on voit. Il y a soit en étant mutamattir, ou mufrid, ou qarin. On va voir ça, hein, il y a trois états. Mais généralement, quand on vient d'abord à la Mecque, quand on veut faire le Hajj à la Mecque, on fait d'abord un tawaf, d'accord? On va voir. Ce tawaf-là, ce n'est pas le rukn. Le rukn, c'est le tawaf qu'il faut faire après qu'on ait fait Arafat. D'accord? C'est celui-là. Donc après qu'on ait fait Arafat, il y a un tawaf à faire. C'est ce tawaf-là qui est un rukn. Pas celui qui est avant, et ni ce qu'on appelle tawaf al-Wada, le tawaf de l'adulte, avant de partir à la Mecque, une fois qu'on a tout fini, manasik al-Hajj, donc les actes du Hajj, avant de partir, il y a un tawaf à faire. Ce n'est pas ce tawaf-là qui est un rukn, c'est ce tawaf qui est après avoir fait Arafat, d'accord, qu'on appelle tawaf al-Ifada, tawaf al-Ifada. Tawaf al-Ifada rukn bi ashwatihi as-sab'a rinajumu. Donc le fait de tourner autour de la Kaaba, et je dis bien c'est tawaf al-Ifada, pas le premier, pas tawaf al-Qudum, mais tawaf al-Wada. C'est un rukn bi ashwatihi sab'a, avec ses sept circulations, hein, sept fois, il faut tourner autour de la Kaaba sept fois. En ayant la Kaaba à sa gauche et en marchant tout droit, d'accord? On ne marche pas en arrière, bien sûr, comme on marche normalement devant, et on marche à droite, c'est-à-dire qu'on va tourner comme à l'inverse d'une aiguille d'une montre, en tournant à l'inverse d'une aiguille d'une montre. Et il faut tourner sept fois. S'il n'y a pas ces sept fois, eh bien, il n'y a pas le tawaf. Et ça, c'est dans la majorité, parce que pourquoi? Parce que chez les Hanafiyas, dans le madhab al-Hanafi, c'est quatre fois le tour de la Kaaba par lequel le rukn du tawaf va être validé, et le reste, donc les trois autres, c'est seulement wajiba, c'est-à-dire que c'est obligatoire, mais si la personne ne le fait pas, il a le rukn du tawaf, mais il a fait un péché parce qu'il n'a pas continué. Dans le jumhur, et ça c'est ça le plus juste, Inch'Allah, c'est que non, ce sont les sept. Pour avoir le tawaf, pour avoir le rukn, le pilier du tawaf, al-Ifada, il faut faire sept fois le tour. Pas moins. Alors, et à partir de quand le tour commence? Yabtadi'u min al-Hajj al-Aswad. Janbet an-Yasari, comme je vous l'ai dit. Donc c'est en commençant, on commence à compter un tour quand on arrive à la pierre, au niveau de la pierre noire. D'accord? Au niveau de la pierre noire qui est dans un angle de la Kaaba, qu'on ne peut pas louper. D'accord? Normalement. C'est-à-dire, si quelqu'un rentre dans la mosquée, dans Masjid al-Haram, d'accord? Et qui arrive à l'opposé de cette pierre-là, et qu'il y a du monde, eh bien il va rentrer, il va commencer à faire le tour, d'accord? Donc il va faire un demi-tour. Et il va arriver, il va rentrer, il va marcher avec les gens, il va faire un demi-tour, et il va arriver devant la pierre noire. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il va compter. C'est-à-dire que le demi-tour qu'il a fait, il ne le compte pas parce qu'il est rentré à l'opposé par une porte à l'opposé de la pierre de la pierre noire, d'accord? Donc, et pour arriver à la pierre noire, il va circulomber, je ne sais plus comment on dit en français, astaghfirullah. Donc il va tourner un petit peu avec les gens afin d'arriver à la pierre noire. Une fois qu'il est arrivé à la pierre noire, c'est là qu'il commence à faire un tour. Donc tout ce qu'il a marché avant, ça, il ne le compte pas. À partir de là, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours jusqu'à arriver à la pierre noire. Et là, il aura ses 7 tours, ses 7 ashwat, comme on dit, et il aura le hajj. D'accord? Il aura le rukn du tawaf al-ifada. On va reparler notamment au tawaf. Hein. Comme je vous l'ai dit, il faut mettre la maison à sa gauche et donc marcher. D'accord? De toute façon, tout le monde le fait comme ça. D'accord? Si vous voyez qu'ils font le contraire, ils n'ont pas tout compris. Ou ils suivent une religion un petit peu. D'accord? Autre chose. On va voir. Je réfléchis à quelle heure il est. Il est déjà moins 4. D'accord. Bon. Sachez que pour que le tawaf soit sahih, pour que soit valide, soit donc compté comme un roug, il faut absolument être en état de pureté, comme pour la prière. Donc il faut avoir ce qu'on appelle communément, il faut avoir al-wudu quand on fait le tawaf. C'est comme pour la prière. Seulement, il est autorisé, à la différence de la prière, de parler. D'accord? Donc ça n'annule pas le tawaf de parler. Mais il est demandé, d'accord? Et demander de parler, mais de faire des rappels, soit de lire du Coran ou dire du zikr, par exemple, ou faire des invocations pendant qu'on tourne autour de la Kaaba. Si quelqu'un parle avec quelqu'un, son voisin ou quoi, le tawaf est valide, mais ce n'est pas vraiment bon, hein, c'est pas le mieux. C'est une adoration, donc il est bien, durant de faire cette adoration, de réciter. Comme je l'ai dit, soit du Coran, soit des invocations, ou soit invoquer Allah Azzawajal, donc avec sa langue une adoration. Non pas parler de la pluie du beau temps avec son voisin durant le tawaf. Mais si la personne fait ça, bon, le tawaf est bon et valide, mais ce n'est pas le mieux. Ensuite, à partir de quand le tawaf devient valide? Parce que comme je l'ai dit, à la fin, on a vu qu'il y avait une date. Un moment précis pour que le fait d'aller à la fin soit valide. Pour le tawaf, c'est pareil. Yabtadi'u, je me suis trompé de phrase, excusez-moi. Al-waqtihi nisful-layl min laylatin nahr. Son premier temps, donc à partir de quand on peut faire le tawaf, c'est à partir de la moitié de la nuit, min laylatin nahr, de la nuit. De ce qu'on appelle an-nahr. Alors, Yom an-nahr, c'est le jour où, comme le dit le nom, an-nahr, c'est là où on égorge, on fait les sacrifices. D'accord? Donc, ça, c'est. Alors, je vous explique aussi, excusez-moi. On revient toujours là au mois de Dhul al-Hijjah. Le mois de Dhu al-Hijjah. Le 9e jour, c'est là qu'il y a Arafat. Le jour qui est juste avant, le 8e jour, c'est une sunna, mais c'est pas obligatoire, c'est même c'est encore moins roux, c'est bien d'aller à Mina et de dormir notamment à Mina pour que le lendemain à 9h, donc le 9, excusez-moi, le 9 de Dhu al-Hijjah, on aille à Arafat. D'accord? Le lendemain du 9 d'Arafat, là, on est le 10. On est le 10 du mois de Dhu al-Hijjah. Et le 10 du mois de Dhu al-Hijjah, qu'est-ce qui se passe? Et bien, c'est ce qu'on appelle aussi, ben, notamment ceux qui ne sont pas au Hajj, ils font notamment Salat al-Aïd, la fête, donc la prière de la fête. D'accord? C'est le jour de la fête. Et pour ceux qui font le Hajj, c'est notamment, pour eux, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle Yom Nahr. Le jour du sacrifice. D'ailleurs, c'est parce qu'à partir de ce moment-là que commence à faire les sacrifices. Et ce jour-là, comme on va voir, Inch'Allah, déjà là par rapport au tawaf, hein, j'essaie d'être le plus bref et aussi d'être le plus concis, précis pour pas embrouiller, parce que au début, quand on étudie le Hajj, la personne n'a pas fait ou quoi, tout paraît un peu difficile et confus et autre, mais en fin de compte, non, seulement il faut bien prendre les choses, Inch'Allah. J'en étais, voilà, pourquoi je parle du 10e jour du mois de Dhul-Hajjah et qui s'appelle Yom Nahr, rappelez bien vous ces jours. Hein. Le 9e, c'est le jour de Arafat. Le 9e jour de Dhul-Hijjah, du mois s'appelle de Dhul-Hijjah, le 9e jour, c'est là où il y a Arafat. Le 10e jour, c'est ce qu'on appelle Yom Nahar, donc le jour d'égorgement, c'est-à-dire le jour du sacrifice. C'est là que commence le tawaf, parce que là, on est en train de parler de tawaf. Et après le 10e jour, il y a le 11, 12 et 13e jour de Dhul-Hijjah qu'on appelle Ayyam al-Tashriq. Ce sont les trois jours qu'on appelle Ayyam al-Tashriq. D'accord? Et c'est notamment là qu'on jette des pierres sur les trois stèles, comme on va en parler, Inch'Allah. Maintenant, il faut bien avoir ça en tête. Que dans le on est dans le mois qui s'appelle Dhul al-Hijjah, et que le 9e jour, c'est là qu'il y a Arafat. Le lendemain, on appelle Yom Nahr du sacrifice, c'est là qu'on commence à faire les sacrifices, et c'est ce jour-là aussi qu'on peut faire le tawaf. D'accord? Et c'est le jour aussi de l'Aïd, de ceux qui font la prière de l'Aïd, c'est le 10e jour. Et ensuite, il y a le 11, 12 et 13, ces trois jours-là qu'on appelle Ayyam al-Tashriq. Et c'est dans ces trois jours-là qu'on notamment on jette les pierres sur les trois stèles. Parce que les jours d'avant, le 10e jour, le jour de Nahr, comme on va voir, on jette la pierre sur une stèle. On va voir ça. Hein. Donc, Al-Waqtihi, donc le premier, à partir de quand on peut commencer à faire le tawaf? Al-Ifada, donc ce rukn, donc le fait de tourner autour de la Kaaba, ce rukn-là, c'est à partir du milieu de la nuit de Nahr, d'accord, du 10e jour. C'est-à-dire que, eh bien, c'est aussi dans cette nuit-là que le Arafat est valide, d'accord. C'est aussi cette nuit-là que Arafat, le fait d'aller à Arafat est valide. J'espère que vous me suivez. Dans ce que je dis, hein, pas comme vous suivez, dans Arafat, d'ailleurs, on n'y est pas. Ensuite, excusez-moi, ça c'est Inda Shafiri Ahmed, ça c'est dans l'imam Shafiri Ahmed, c'est à partir de la moitié de la nuit du Nahr, d'accord. Donc du 10e jour, et comme je vous répète, on compte les jours dans l'islam à partir que quand on rentre dans l'heure du Maghreb, d'accord. Ensuite, voilà had ali akhirihi fadam litakhirihi an ayyam at-tashriq walakin yukrah. Alors, jusqu'à quand on peut faire le tawaf de l'ifada? On a vu que si quelqu'un qui fait par exemple le tawaf de l'ifada, al-ifada, avant la moitié de la nuit, qui s'appelle An-Nahr, donc le 10e jour, et bien qu'il le fait avant, d'accord, et bien son tawaf n'est pas valide. Il faut qu'il le fasse au minimum au début de la deuxième moitié de la nuit du 10e jour de Dhul-Hijjah, d'accord. Jusqu'à quand il peut le faire? Voilà had ali akhirihi faladam litakhir an ayyam at-tashriq. Donc il n'y a pas de limite pour sa fin. Contrairement au jour de Arafat qu'on a vu, on sait c'est très court, d'accord, pour le jour de Arafat. C'est soit 24 heures, ou soit 24 heures chez la Hanabila, ou soit, là je parle de Arafat, le fait de rester à Arafat, c'est soit de 24 heures, ou de la prière, de l'heure, du début de la prière de l'heure d'heure jusqu'au Fajr qui arrive. Moins de 24 heures. Mais pour le Tawaf, c'est à partir donc de la moitié de la nuit, ça c'est dans le Madhab Shafi'i et le Madhab Al-Hanbali, à partir de la nuit, de la moitié de la nuit du 10e jour, et il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fin. Donc même si c'est dans au 11, 12, 13e, 14e jour ou 15e jour de Dhul-Hijjah, même si c'est après, même si c'est dans le mois de Muharram, donc là on est dans l'année d'après, eh bien le Hajj, eh bien le Tawaf est valide. Il n'y a pas de limite de fin. D'accord? Voilà qu'il y aura. Mais c'est une chose qui n'est pas aimée, qui est détestée, mais ce n'est pas le rukn du Tawaf est valide, même si on le fait 10 jours, 1 mois, 2 mois, même une année ou plus, après qu'on a fait le Rafa, eh bien, le Tawaf est valide. Et comme je l'ai dit, wa tushtaratu taharatu min al-hadathain wa satr awra wal muwala. Et pour que le tawaf autour de la Kaaba soit valide, il faut la tahara, il faut être pur, comme je dis, il faut avoir les petites ablutions, comme on dit, donc il ne faut pas avoir être en état de janaba ni avoir perdu ses petites ablutions, donc comme en prière. Ou la aura, il faut satr al-awra, il faut cacher sa aura pour que ça soit valide. Donc quelqu'un qui tourne tout nu ou une partie de son corps que normalement qui doit être caché dans la prière est découvert, donc il n'a pas de tawaf, d'accord. C'est comme pour la prière. Ou al-muwalat, al-muwalat, c'est-à-dire que il faut que ça soit qu'il n'y ait pas de coupure. Quelqu'un qui fait deux tawaf, c'est-à-dire qu'il fait deux fois le tour de la Kaaba, puis après il s'en va pour comment dirais-je, pas pour aller boire ou quoi ou autre, il sort de la magie, après il revient, ça, et ben, il est obligé de refaire à zéro. D'accord. Donc là, il faut qu'il y ait une mouala. D'accord. Qu'il n'y ait pas d'interruption. On met une exception. C'est quelqu'un qui fait le tawaf, donc il tourne, et qui a la, et que l'imam se met pour faire la prière, donc tout le monde prie, et donc là, tout le monde prie, et la personne, ben, il ne peut plus avancer, parce que tout le monde se met en rang, et même devant la Kaaba. À ce moment-là, il reste là où il est. Il ne va pas ailleurs. Il reste là où il est au moment où il fait la prière obligatoire est en train de se faire. D'accord. C'est pas pendant le Hazan. D'accord. Quand il a quand même, il reste là où il est. Il fait la prière là où il est sans aller à plus loin ou revenir en arrière. D'accord. Il reste là où il est. Il fait la prière là où il est. Et une fois que la prière est finie, hop, il continue son tawaf. Inch'Allah, le tawaf est bon. Mais s'il s'en va pour faire ses ablutions ou quoi, là, comme pour la prière, il est obligé de recommencer depuis le début, donc de refaire 7 fois le tour de la Kaaba. Et c'est obligatoire aussi de faire les 7 tours autour de la Kaaba, bidakhil masjid, kharij el bayt, à l'intérieur de la mosquée, donc la mosquée al-haram, mais à l'extérieur de la maison, à l'extérieur de la Kaaba. C'est-à-dire quelqu'un qui rentre dans la Kaaba, d'accord, et qui tourne. C'est-à-dire qu'il rentre dans la Kaaba, qui tourne à l'intérieur de la Kaaba, ça veut dire qu'il y a une porte. Elle est un petit peu haute, mais imaginons que quelqu'un ouvre la porte et qui rentre dans la Kaaba et qui fait 7 tours à l'intérieur de la Kaaba, eh bien, il n'a pas de tawaf. Il faut les faire à l'extérieur de la Kaaba, à l'extérieur de la maison noire qu'on voit, le carré noir. Et je vous expliquais aussi un petit peu, avec faire attention, vous verrez, il y a une espèce de petit mur qui est ovale. D'accord. Il faut le faire à l'extérieur. Et il ne faut pas faire le tawaf non plus à l'extérieur de la mosquée. Il faut le faire le tawaf à l'intérieur. D'accord. À l'intérieur, il ne faut pas sortir de la mosquée, sinon le tawaf n'est pas valide. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je pense que vous avez remarqué, quand vous voyez la télévision où on voit l'intérieur de la mosquée, où on voit justement la Kaaba, d'accord, avec ce qui la recouvre comme tissu noir, vous voyez, donc ça fait comme un cube, et à un moment donné, vous voyez, il y a un petit mur qui fait comme un arc, d'accord. Il y a un petit mur comme ça, et qui a la forme d'un arc. Et normalement, si vous regardez bien, quand les gens ils tournent autour de la Kaaba, donc ils tournent autour de la maison, et quand ils arrivent à ce petit mur-là, ils ne rentrent pas entre le petit mur et la maison, mais ils contournent le petit mur. Sachez que si jamais une personne... J'espère que vous voyez, donc, malheureusement, j'ai pas de, pour que vous voyez sur la vidéo, il faudra que j'enlève le papier et que je fasse ça sur une feuille. Mais essayez de vous visualiser. On va dire que la Kaaba, comme elle est construite maintenant, c'est un cube. D'accord, on va dire ça. Un cube. Donc c'est un carré. Et à côté, il y a un petit mur, d'accord, ovale, d'accord, hein, qui fait un arc. Et on peut aller entre. On peut rentrer entre cette maison qui est cubique et le petit mur, d'accord. Il n'y a pas de mur, on peut rentrer. Si quelqu'un qui fait le tawaf, donc qui tourne autour de la maison, de la Kaaba, et qui rentre entre la maison et le petit mur, et donc qui va tourner autour du cube seulement, et ne veut pas, en fin de compte, tourner autour aussi du petit mur, eh bien, il n'a pas fait le tawaf. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans la maison. C'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas, et un rappel pour ceux qui le savent, la Kaaba, à la base, comme elle était construite par Ibrahim, Abraham, alayhi salam, elle était plus grande que le cube que l'on voit, que la maison cubique que l'on voit. Elle allait jusqu'au petit muret qui est construit. D'accord? Je passe l'histoire, pourquoi maintenant il y a un petit muret, pourquoi en fin de compte ça ne l'a pas fait, c'est parce qu'en fin de compte ils n'avaient pas eu assez d'argent à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le refaire, ça prend du temps, ça, là n'est pas le but, ceux qui veulent voir pourquoi et qui savent dans un livre de sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils le verront, ou autre. Ça prend un peu trop de temps si j'explique l'historique, pourquoi en fin de compte maintenant ça n'y est plus. Sachez que quand Abraham a construit la Kaaba, cette maison, elle allait, les murs allaient jusqu'au petit muret, d'accord, qui fait un arc, d'accord. À un moment donné, donc à l'époque du prophète, la Kaaba, elle se tombait, d'accord, il fallait la reconstruire, ils n'avaient pas assez d'argent, et ils l'ont reconstruite petite, plus petite, d'accord. Mais ils ont gardé la limite de la base, donc les fondations qui allaient jusqu'au petit muret. Ils ont fait donc un petit muret, on va dire, et ils l'ont mis là. Pourquoi? Bah pour que quand on fait le tawaf, il faut bien tourner autour de la maison telle qu'elle a été construite en premier. D'accord? Ce qui veut dire que ceux qui rentrent entre la maison cubique, d'accord, et le petit mur, en fin de compte, ils sont rentrés dans la maison, dans la Kaaba telle qu'elle est construite à l'origine. Et comme vous savez, il faut tourner autour de toute la Kaaba. Et donc la Kaaba, c'est plus qu'en fin de compte que ce cube noir que l'on voit, c'est un peu plus, elle va jusqu'au muret. D'accord? Donc il faut bien faire attention, il faut bien contourner le muret quand on fait le tawaf. Et la parole, quand on fait le tawaf, est autorisée, comme je l'ai dit, donc je ne vais pas le répéter. Faire le tawaf, pour faire le tawaf, les conditions sont pareilles que pour la prière. Donc, d'accord, donc la purification, cacher la awra. Et il y a, à la dans de la prière, comme je dis, on peut parler, mais par contre, il est demandé, quand on parle, de faire des invocations, de que ce soit une parole d'adoration. Et non pas de parler à son voisin de la pluie et du beau temps, mais même si la personne parle à son voisin de la pluie et du beau temps dans son tawaf, et qu'il y a la niya, bien sûr, mais comme pour la prière, quand on fait le tawaf, il faut avoir une niya, que ce soit le tawaf et l'ifada. Donc s'il parle même de la pluie du beau temps, le tawaf est valide, mais par contre, il n'a pas fait tout ce qu'il devrait faire en tant que bien. Je vais finir, après on va finir là. Bon, bah, peut-être que le taoïde, on en fera un petit peu moins. Pour pas couper, on continuera le dernier rukn, le dernier pilier demain, Inch'Allah. Je vais ici vous dire une parole de l'imam An-Nawawi, rahimullah, qui était Shafi'i. An-Nawawi, qui était Shafi'i, qui était un des plus grands savants dans le madhhab Shafi'i. D'accord? Comme vous devez tous connaître, il y a la quarantaine de hadiths de Nawawi. Je dis quarantaine, mais c'est au nombre de 42 et pas 40. D'accord? Il y a bien sûr le livre aussi qui est très connu, qui est Riyad al-Salihin, hein, qui traduit généralement par exemple les jardins des vertueux. Très bon livre, qu'on conseille toujours. Il a fait aussi l'explication du Sahih de Muslim et des livres aussi dans le fiqh. Il était très fort dans le fiqh, notamment Shafi'i. Il a dit ceci par rapport au tawaf al-Ifada. Rahimahullah. Wattafaqu 'ala annahu yustahab fi'luhu yawm an-nahr. Et ils ont été d'accord. D'accord, donc là il parle des savants, ils ont été d'accord que c'est mustahab, donc que c'est bien, c'est aimé de faire quoi? De le faire yom nahr, le jour du nahr. Donc d'accord, c'est le dixième jour, comme on a vu. Bardal Rami, après avoir jeté, c'est-à-dire que jeté les pierres, comme on va voir sur la stèle, pas n'importe quelle stèle, ou nahr, c'est l'égorgement, c'est-à-dire le sacrifice animal, ou al-halq. Et le hâd, donc, c'est le fait de se raser ou de raccourcir seulement un petit peu les cheveux. Mais comme on va le voir, ou comme déjà vous devez le savoir, c'est mieux de se raser, hein, sauf pour les femmes. Les femmes, non, elles ne se rasent pas, elles coupent un petit peu les cheveux, mais pour les hommes, c'est mieux de se raser. Mais si elles se coupent tous les cheveux un tout petit peu, et ben pour les hommes, c'est aussi valide. D'accord? Donc, c'est mieux de faire le tawaf ifada après d'avoir fait ceci, tout cela. Ensuite, l'imam An-Nawawi, rahimahullah, il dit. وإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأ ولا دم عليه بالإجماع. Et si il retarde le tawaf, d'accord? S'il le retarde, c'est-à-dire que si le tawaf, il ne le fait pas. Il retarde, donc il va faire le tawaf, va faire la roue fi ayam tashrik, et qui va le faire quand? Dans les 3 jours, dans un des 3 jours du tashrik, d'accord? Ce que je dis qu'après le yom nahr, donc le 11e, 12e et 13e jour du mois d'Il Hijjah, il y a ce qu'on appelle Ayam al-Tashriq. Il dit que si la personne tawaf, il le recule jusqu'à le faire dans un des jours des 3 jours de ce qu'on appelle Ayam al-Tashriq, D'accord? Donc, s'il va faire le tawaf le 11, le 12 ou le 13, ajza'a wa la dam alayhi bil ijma'. Donc, cela est valide et il n'y a pas de sang. Ça veut dire quoi qu'il n'y a pas de sang sur lui? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'expiation. Parce que, comme on va voir, quand on ne fait pas une obligation ou quoi, il y a parfois un sang, c'est-à-dire un dam, c'est-à-dire à faire une expiation, c'est-à-dire en faisant un sacrifice. Bil ijmar par l'unanimité. C'est-à-dire qu'il y a unanimité que celui qui fait le tawaf de l'ifada, même qui fait pas le tawaf ifada le jour de Nahr, mais qui le fait dans un des 3 jours, ce qu'on appelle Yamat Tashrik, qui est le 11, 12e et 13e jour du mois de Dhul Hijjah, eh bien son hajj, eh bien son tawaf est valide et il n'a pas de compensation d'expiation à faire. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et si vous avez des questions, là j'ai dépassé le temps. Si vous avez des questions, barakloufik. Sinon, on va passer directement au cours du Tawahid, Inch'Allah. Donc, j'attends de voir si vous avez des questions sur le cours que je viens de donner. Sinon, nous prenons le cours du Tawhid. Apparemment, il n'y a pas de questions, donc bah, on va rentrer dans le cours du Tawhid, Inch'Allah. Alhamdulillah. Hier, on s'était arrêté on avait fini les conditions et les interdictions du takfir, le fait de les énumérer. Et petit à petit, on les a expliquées. Et petit à petit, quand on va notamment lire, notamment dans Nawaqid l'Islam, dans les annulatives de l'Islam, certaines conditions vont revenir et on va voir plus d'indications, d'accord? Plus on apprend dans ça, plus on voit dans quelle, en fin de compte, condition ou interdiction du takfir est valide dans tel et tel kufr, etc. Ça vient, ça, à la suite par l'expérience. Ah oui, voilà, oui, on s'était arrêté, d'accord. Et donc voilà, hier j'avais pas lu parce que ça allait prendre un peu trop de temps. La parole de deux fils du cheikh Mohammed ibn Wahhab rahimahullah, qui s'appellent Hussein et Abdullah. Donc on va commencer par ça, Inch'Allah. Je vais vous lire ce qu'a dit les deux fils du cheikh Mohammed ibn Wahhab rahimahullah, qui sont Hussein et Abdullah. Ibn Mohammed ibn Wahhab, les deux fils du cheikh Mohammed ibn Wahhab rahimahullah. Donc les deux ont dit: Man mat, celui qui est mort, min ahl shirk, parmi les gens du shirk, donc de l'associationnisme, qabla bulugh hadhihi ad-da'wa, avant que lui soit parvenu ce da'wa, donc ce prêche, c'est-à-dire que la prêche, la da'wa du cheikh Mohammed Wahhab rahimullah, qui est appelé au tawhid. فالذي يحكم عليه, donc ce quoi on juge pour cette personne, donc qui est mort avant que cette darwa lui soit parvenue. Anna ou Izakana Maroufan bifal shirk, que si lui il était connu par l'acte du shirk, donc là on parle du grand shirk bien sûr, ou yadin ou bihi, et qui pratiquait la religion avec, donc avec le shirk, ou amata ala zalika, et qu'il est mort sur ceci, fahada zahiruhu anahu mat ala al-kufr. Alors, celui-là, Zahiru, l'apparent, c'est la chose apparente pour lui, Annahu matala al kufr, et que lui, il est mort sur le kufr, sur la mécréance, la grande mécréance, bien sûr. Et là, il n'a pas dit, il est mort sur le shirk, il a bien dit sur le kufr. D'accord? Fala yudra lahu, alors on n'invoque pas pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est mouchik et il est kafir. Il est mécréant, kafir. Il est mort, bien que la darwa ne lui soit pas parvenue. Ça, on parle du grand shirk, hein. On n'invoque pas pour lui. Pourquoi on n'invoque pas pour lui? Parce que c'est un kafir, un mouchrik. Je dis ça et je le répète bien parce qu'il y en a, surtout à notre époque, qui disent qu'une personne peut faire mouchrik Akbar, on dit qu'il est mouchik, mais il n'est pas kafir. Moi, je suis de ceux qui disent non, si une personne, on dit qu'il est mouchik, automatiquement, on dit qu'il est kafir. Comme on voit ici. On va parler un petit peu de ça, Inch'Allah. Fala yudallahu, wala yudahhalahu. Et on ne on fait pas de adahiyalahu, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de. On ne gorge pas pour lui. D'accord? Wala yutasad, d'accord? Et on ne fait pas de sadaqa pour lui. C'est-à-dire que vous savez qu'on peut faire une sadaqa pour le mort après sa mort. Il y a ijma, il y a une unanimité sur ça. Hein. Une personne, par exemple, une personne, son père est mort, son père musulman est mort, il peut faire une sadaqa et sa niyyah, c'est que la récompense de la sadaqa ne va pas à lui, mais va à son père qui est mort. Pour ça, il y a une unanimité, c'est tout à fait autorisé. Pour les autres, d'autres adorations, il y a une divergence. Ensuite, les deux fils du cheikh Mohammed Wahhab, il dit ceci, comprenez bien ce qu'il va dire. Amma haqiqatu amrihi fa ila Allah ta'ala. Alors, quant à la chose réelle de son affaire, donc à cette personne qui est morte en faisant le grand shirk, fa ila Allah ta'ala. Alors cela revient à Allah ta'ala, élevé soit-il. D'accord? Ça veut dire que nous, sur terre, on juge suivant la chose apparente, c'est-à-dire qu'il est mort sur le shirk, et comme il a dit, mata ala al-kufr, hein. Les deux fils ont bien dit ça. Mat al kufr. D'accord? Donc, la chose apparente pour lui, c'est qu'il est mort sur le kufr. Il n'a pas dit là le shirk. Pourtant, au début, il avait dit du shirk. Je vous aurais dit la parole du début pour ceux qui veulent absolument faire la différence entre le shirk et le kufr. Qui a, à mon avis, comme pour certains d'autres, c'est une erreur. Il dit bien au début, man mata min ahli shirk. Il n'a pas dit min ahli kufr. Man mata min ahli shirk. Qui est mort parmi les gens du shirk. Comme le bourreau a dit le da'wa. Avant que lui soit parvenu cette darwa, d'accord, la darwa du tawhid. Fallavi yuhkamu alayhi. Alors celui qu'on yuhkam, alors celui qu'on donne le jugement qu'on donne sur lui, on va porter un jugement sur cette personne qui est morte alors qu'il faisait partie du shirk. C'est-à-dire que, bien sûr, comme vous le savez, le cheikh Mohammed et ses descendants, quand il parlait des gens du shirk, il parlait des gens qui disaient la ilaha illallah rasulullah, mais qui même qui priaient les 5 prières, qui jeûnaient le mois de Ramadan, mais qui allaient sur les tombes, par exemple, invoquer autre qu'Allah et faire du grand shirk. Il parle de ces mouchrikoun là, d'accord? Donc celui qui parmi les gens du shirk, dont la darwa du tarik ne lui est pas parvenue, et qui est mort sur ceci, et qui était idhakan et qui cette personne-là, cet individu précis, était connu pour l'acte du shirk, ou yadinoubihi, et qui faisait sa religion avec ce shirk-là, wamaatar, et qui est mort sur cela, fahada, donc celui-ci, donc cette personne-là, précisément, zahiruhu, la chose apparente, c'est qu'il est mort sur le kufr. Et là, il n'a pas dit le shirk, comprenez bien, le kufr, la mécréance, donc c'est un kafir, c'est un mouchrik kafir. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Et bien, comme tous mes mécréants, la yudra lahu, on n'invoque pas pour lui, on n'égorge pas pour lui, on ne fait pas de sadaqa pour lui. Amma haqiqatu amrihi, quant à la vérité sur son affaire, d'accord, fa ila Allah, donc ceci revient à Allah Ta'ala. Ensuite, les deux enfants disent, les enfants du cheikh Mohammed Wahhab, rahimahullah, quand ils ont écrit ça, c'était pas deux enfants, hein. C'était deux chers. فإن كان قد قامت عليه الحجة في حياته وعاند فهذا كافر في الظاهر والباطن. Et si, donc, إن كان قد قامت عليه الحجة في حياته, et si الحجة, l'argument, a été posé sur lui dans sa vie, c'est-à-dire que si, comme on va le voir plus tard, Inch'Allah, comme c'est explicite, enfin implicite ici, c'est-à-dire que si la darwa du tawhid, donc si la darwa du tawhid lui est parvenue, on lui a parlé du tawhid, que ce qu'il faisait était du shirk, le fait d'invoquer autre qu'Allah ou autre chose comme shirk, d'accord, ceci lui est parvenu, et donc la hujja, l'argument a été posé contre lui, qu'est-ce qui se passe, et qu'il a refusé, d'accord, qu'il s'est rebellé, c'est-à-dire qu'il a refusé cette darwa, il persiste à faire le shirk. Donc les deux fils du shirk Mohammed, il dit ceci, fahada kafirun, donc ceci c'est un mécréant dans la chose apparente, c'est-à-dire que sur terre, donc lui on lui donne le hukm que ça comme ça kafir, comme c'était avant, comme même comme pareil comme comme quand si la darwa nous était parvenue, wafi ils disent wal batin, et la chose intérieure, c'est-à-dire que le jour de c'est-à-dire qu'en fin de compte ils ne seront pas excusés, il y a vraiment pas d'excuse pour eux le jour de la résurrection, bon, Allah Azza wa Jal, il les considère comme un kafir aussi, c'est compris, ce qui veut dire que pour nous, dans la chose concrète pour nous, qu'une personne lui soit parvenue la darwa du tawhid ou pas, On lui donne sur terre la loi du kufr, la loi du shirk et du kufr, comme ça a été dit ici par les deux enfants du cheikh Mohammed Ibn Wahhab, rahimahullah, même si la darwa n'est pas parvenue, contrairement à ce que dit certains chouyours, que si la darwa n'est pas parvenue, par exemple, on dit que c'est un mouchik, mais on ne dit pas que c'est un kafir, et là, il y a certaines paroles sur ça, d'accord. Et concrètement, c'est un petit peu difficile, c'est-à-dire que donc on leur dit donc c'est un musulman, c'est un musulman, mais on vous dit qu'il mouchik, s'ils disent oui, donc c'est pas possible qu'il y ait un islam et un shirk en même temps. S'ils disent non, on dit qu'il est mouchik, mais on dit pas qu'il est musulman ni kafir, donc c'est quoi, c'est un troisième état. S'il meurt, qu'est-ce que vous faites de lui? Parce que si c'est un musulman, il faut enterrer comme un musulman, il faut prier sur lui, sinon il faut pas prier sur lui, et si on prie pas sur lui et qu'on enterre pas comme on enterre le musulman, et ben donc ça c'est quoi, c'est le hukm de qui? C'est le hukm du kafir, d'accord. Donc il y a ce petit problème qui a été posé par rapport à certains, de dire qu'une personne peut être mouchlik mais peut ne pas être kafir, et que la parole la plus juste inshallah, c'est que quand une personne, on dit qu'une personne, que le shirk il est mouchlik, alors on dit aussi qu'il est kafir. Donc il n'est plus musulman. Et ça, on va revenir. Donc la parole de ces deux enfants du cheikh Mohammed, je vais revenir à ces deux paroles d'autres savants qui disent clairement que quand une personne est mouchlik, eh bien il est kafir. D'accord. Si on dit qu'une personne est mouchlik, eh bien il est kafir. Et voilà. Donc on voit aussi, là aussi, que l'excuse de l'ignorance ne marche pas pour la chose concrète par rapport à ce que nous, on doit juger les gens sur terre. Cette parole des deux enfants du cheikh Mohammed est dans Ad-Dur al-Saniya. Ce n'est pas Al-Sunniya, mais Al-Saniya. D'accord. Ad-Dur al-Saniya, le volume 10, à la page 142. Dans le même sujet, et qui touche aussi, comme je l'ai dit, le Rod Bijal, on va en parler, ça va venir régulièrement. Je vais citer une parole d'un cheikh qui est mort, et je dis Rahimahullah, que comprennent ceux qui comprennent, donc je ne fais pas de takfir sur lui, et qui est le cheikh Ibn Baz. Et donc si maintenant ou plus tard, des personnes que l'on nomme Madakhila en arabe, en français les matralistes, d'accord, qui ont généralement un irja, un grand irja, et qui sont toujours à donner des pleines excuses pour ceux qui font du kufr, surtout si c'est le gouverneur, alors que les gouverneurs sont comme les autres musulmans, hein, quand ils ont un kufr et puis que l'argument est posé, bah, ils sont kafirs. Hein, le fait des gouverneurs n'est pas un empêchement du takfir, comme on l'a vu, hein, contrairement à ce que pensent certains. Un gouverneur, le fait d'être gouverneur d'un pays, ce n'est pas un empêchement de faire le takfir, loin de là. Eh bien, on va lire la parole du cheikh Ibn Baz, rahimahullah, sur ce sujet-là, et que j'espère que ceux qui aiment bien suivre un certain Rabia Matrali vont se calmer en disant à tout bout de champ takfiri et etc. Parce que sinon il va falloir qu'ils disent que certains chouyours, donc ils respectent beaucoup comme Ibn Baz, sont des takfiri etc. Alors on va lire une fatwa du cheikh Ibn Baz, qui est dans un livre qui est très répandu, surtout en arabe, qui s'appelle Tuhfatul Ikhwan, qu'on peut traduire par exemple par le livre de chevet des frères. C'est un livre où il y a des fatwas qui sont très importants sur le tawhid et sur la prière et autres, du cheikh Ibn Baz. Alors, un livre qui s'appelle Tuhfatul Ikhwan. Ceux qui connaissent l'arabe et qui lisent certains livres de Ibn Baz, ils connaissent ce livre. Il est très répandu. Il a été très édité, notamment par l'Arabie Saoudite. Il a été très répandu. Et c'est dans la sixième réponse. D'accord. Dans la sixième réponse du livre qui s'appelle Tuhfatul Ikhwan, le cheikh Ibn Baz dit ceci, dit cela. Écoutez bien. Man urifa bidu'a il amwat. Celui qui est connu par l'invocation des morts. Excusez-moi, j'ai un. D'accord. Des morts. Wal istighath. Et le fait de demander secours, donc aux morts. Et le fait de faire des vœux pieux à eux, donc aux morts, pas à Allah, mais aux morts. Donc ça, ce sont des adorations qu'on fait qu'à Allah. Si on les fait autre qu'à Allah, ça s'appelle du shirk. Et de ce qui s'apparente à ceci, donc comme grand shirk. Min anwa' al-ibada, parmi les sortes de l'adoration. Donc qu'est-ce qu'il dit là, Ibn Baz? Écoutez bien, d'accord. Fahwa mushrikun kafirun. C'est un mushrik kafirun mécréant. Et il va bien faire comprendre, parce qu'il est juste après, il dit « La tajouz munakahatuhu wa la dukhuluhu al-masjid al-haram » Il n'est pas autorisé de les marier, parce qu'un kafir, donc là il est murtad, d'accord, il est apostat kafir, donc c'est le mariage avec une musulmane est tout à fait interdit, et non plus à ce qu'il rentre dans le Masjid al-Haram, donc à la Mecque, le Masjid al-Haram c'est interdit, comme vous savez, le kafir n'a pas droit d'entrer dans le Masjid al-Haram. Voilà, mu'amalatuhu mu'amalata al-muslimin. Et non plus, c'est pas autorisé de faire quoi? De se comporter avec lui comme on se comporte avec les musulmans. D'accord? Donc, parce que pourquoi est-ce que, comme il a dit juste avant, fahuwa mushrikun kafir, c'est un associateur kafirun mécréant. D'accord? Et ensuite, il dit quoi? Et c'est là qui est très intéressant. Walaou idda al-jahl hatta yatoub ila Allah. Walaou idda al-jahl. Walaou idda al-jahl. Et même si il prétend l'ignorance, d'accord? Donc même s'il dit, moi je ne savais pas, je suis ignorant, eh bien, même s'il prétend l'ignorant, c'est un mouchik kafir chez Ibn Baz. Merci. Hatta yatoub ila Allah min dhalika, jusqu'à ce qu'il se repente à Allah de ceci. Donc c'est un mouché kafir, c'est un mouché kafir, ce sont les termes de Ibn Baz. Hein. Donc si pour les madakhila, là, les madkhalistes, ils disent que ceux qui, les, qui disent qu'il n'y a pas l'ignorance pour les grands chirs, ce sont des takfiris, eh bien ils viennent de dire que Ibn Baz est un takfiri. Qui réfléchissent un peu à ce qu'ils disent ces ignorants. Je suis gentil quand je dis ignorant pour ces gens-là. Donc voilà, c'est ce que dit Ibn Baz. Ensuite, Ibn Baz, un peu plus loin, il insiste et il dit « Wala yultafat ila konihim juhala » et on ne se retourne pas, d'accord, sur le fait qu'il soit juhalan, ignorant. Juhal, c'est le pluriel de jahil. Donc on ne prend pas en considération qu'il soit ignorant. D'accord. Donc l'excuse de l'ignorance ne marche pas pour le grand chic qui est dans le grand chic qui est dans l'adoration chez Ibn Baz. Prenez bien note. Belle, mais Yajibu an yu'amalu mu'alat al-kuffar, mais il est obligatoire à ce que son comporte avec eux du comportement des kuffars, des mécréants. Hatta yatubu ila Allah min dhalik, jusqu'à ce qu'il se repente Allah de ceci. Liqoulihi subhanahu fi amthalihim, pour la parole d'Allah subhanahu parmi ceux qui le ressemblent. Donc là, c'est une parole d'Allah azza wa jalla dans le Coran qui est dans la sourate Al-A'raf, versets 28 à 30. Et s'ils font fahishatan, donc une chose mauvaise, d'accord, ils disent quoi? On a trouvé nos parents sur ceci. Wallahu amarana biha, et Allah nous a ordonné de faire ceci. D'accord? Comme certains soufis, je ne dis pas tous les soufis, mais certains soufis ou autres qui se prétendent musulmans et qui vont sur les tombes. Ils disent, on a trouvé nos parents comme ça. Et puis ça fait partie de la religion d'Allah. Le fait d'aimer et de demander aux saints qui sont enterrés, la guérison, tout ça, pour eux, ça fait partie de la religion d'Allah. Donc ils font exactement comme les mouchikoun d'avant. Qul, dit Inallah laim yo bil farsha. Certes, Allah ne redonne pas bil farsha, par la chose mauvaise. Atakuluna Allahi ma la ta'lamun, ce que vous dites sur Allah, ce que vous ne connaissez pas. Qul, dit Ama Rabbi bil qist. Mon maître m'a ordonné de la justice. Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid. Et mettez en place vos faces, vos visages dans chaque mosquée. Wad'uhu mukhlisina lahu ad-din. Et invoquez-le, donc invoquez Allah, Azuel, mukhlisin, sincère, donc sans mettre aucun chou dedans, mukhlisin lahuddin, en mettant la religion seulement pour lui, que ce soit seulement pour lui la religion, d'accord? Kama bada'akum ta'udum, comme vous avez été commencé, vous y retournerez. Fariqan hada wa fariqan haqalihimud dalal, une partie, un groupe a été guidé, et un groupe alors a été mis sur eux l'égarement. Et là, je demande à Allah Azzawajal de nous guider et de nous éloigner de l'égarement. Innahum ittakhadhu shayatin awliya min dunillah. Certes, eux, ils ont pris les shayatin, d'accord, les satans, les diables, awliya, donc alliés, en dehors d'Allah, min dunillah. Wa yahsabun annahum muhtadun. Et la fin du verset, c'est ceci, c'est très important. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, et ils croient, ils pensent qu'ils sont eux certes bien guidés. Et quand vous regardez ces gens qui se prétendent musulmans et qui vont sur les tombes, qui invoquent autre qu'Allah, qui font du shirk akbar, ils prétendent qu'ils sont bien guidés par ceci. D'accord ? Voilà la parole de Ibn Baz. Excusez-moi. Est-ce que j'avais. Et ensuite, Ibn Baz dit, voilà, je recherche la page, et dans la parole d'Allah Azzawajal, chez les Nazariens, donc chez les chrétiens, et ce qui leur ressemble. Donc là, il y a une parole d'Allah Azzawajal qui dit, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا, dit, est-ce que nous vous informerons sur les plus perdants, sur les personnes les plus perdantes parmi les actions qu'ils auront faites? C'est qui? Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Ceux dont leur effort dans cette vie dunya a été égaré. Wahum yahsabun annahum yuhsinuna sunna. Et eux, ils pensent que certes, ils font les choses bien. D'accord? Ceux qui vont sur les tombes, qui ont les personnes sur les tombes, ils pensent bien faire. D'accord? Eh bien non, cela ne leur servira pas. Ça, c'est dans la sourate Al-Kahf, au verset 103 ou 104. Et je vous rappelle que c'est vient de dire et que donne pas l'excuse de l'ignorance, c'est le cher Ibn Baz dans son livre Tohfatul Ikhwan et c'est à la réponse numéro 6. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Et que voilà. Il est quelle heure? Il est déjà 21h36. Je vais voir si je continue où on s'arrête ici. Ah oui, toujours sur l'excuse de l'ignorance avec voilà ça. Car il y avait pas mal de paroles, notamment de savants, et c'est pas seulement qu'à notre époque, hein, même avant, sur justement le problème de l'ignorance, sur le, notamment le grand shirk. Je regarde si j'ai le temps de faire ceci. Inch'Allah, on s'arrête ici. Je continuerai demain sur ce problème-là. Et comment on peut se on va justement comment on va s'argumenter par rapport à un verset dans le Coran, comme quoi l'excuse de l'ignorance pour le grand shirk, dans le shirk, dans l'adoration, et ben, en fin de compte, l'excuse d'ignorance n'est pas valide. Inch'Allah. D'abord, bah déjà on a vu par rapport aux deux versets, aux deux groupements de versets que le cheikh Ibn Baz a cités. Et on verra un autre verset encore plus explicite sur ce sujet, Inch'Allah, demain. Donc maintenant, si vous avez des questions sur ce que je viens de dire dans le Tawhid, vous pouvez poser les questions. Sinon, on arrêtera le cours aujourd'hui et on continuera demain, Inch'Allah. Comme Mouad, Alexandre, Abraham. Alors, les apostats mouchtekins n'ont pas le droit d'entrer la Mecque. D'accord. Donc, Abou Mouaz dit les apostats mouchtekins n'ont pas le droit d'entrer à la Mecque. Exact. Quelle est la défense de l'Arabie Saoudite qui laisse les raphidites faire le Hajj? Alors, c'est quoi la défense de l'Arabie Saoudite? Eh bien, moi, je ne suis pas le gouverneur ni dans le gouvernement d'Arabie Saoudite, donc c'est à eux qu'il faut poser comment ils peuvent se permettre, riyadu billah, de laisser les rafidis, donc c'est que les rafidis, c'est ce qu'on appelle les chiites à notre époque, mais contrairement, notamment dans le Mustalah Hadith, un chiite, c'est pas exactement le rafidi, c'est un degré plus faible. Normalement, il faut, comme a dit le frère Abou Mourad, il faut dire rafidi. D'accord? Rafida pour ce qu'on appelle communément les chiites de l'Iran, des 12 imams, qui font du shirk et du kufr. Un seul de leurs kufr suffit pour être sûr qu'ils sont apostats et qu'ils n'ont pas justement d'excuses à avoir, comme par exemple, d'ailleurs entre guillemets pour la lire, c'est la faute aussi du cheikh Ibn Baz, comme quoi les Rafida, d'accord, les chiites là de l'Iran, eh bien sont tous des kuffars, même les ignorants parmi eux qui suivent leur imam. Un des kufr les plus clairs, c'est qu'ils disent que le Coran il est muharraf, d'accord, il est muharraf, ça veut dire qu'il a été, comment on dit en français, muharraf, et il a été changé, ah, j'ai oublié le terme technique, Si quelqu'un pouvait m'aider là, le tahrif en français, c'est comment on dit déjà? Quelque chose qu'on a changé. C'est-à-dire qu'on enlève un verset, on en rajoute un autre, ou on change les altérés. Bon, on peut dire altéré, il y a un autre mot, j'ai oublié. Donc le Coran a été altéré, falsifié. Voilà, c'est ça ce mot-là que je préfère. Que le Coran était falsifié. Alors quand on sait comment on verra, Inch'Allah, comme a dit l'imam an-Nawawi, rahmallah, il y a ijma, hein, il y a unanimité que celui qui dit qu'une seule lettre, d'accord, du Coran est falsifiée, c'est un kafir. Alors comment pour dire pour ces gens-là, qui disent qu'il y a une sourate qui a été enlevée, qu'il y a des versets entiers qui ont été totalement changés, comment donc on va donner l'excuse pour ces gens-là? Waliyaz billah. Donc pour la réponse, quelle est la défense de l'Arabie Saoudite, ben, je la connais pas. Hein. Je ne sais même pas s'ils ont une défense pour faire ceci. Le cher Mohammed Mohammed est tout à fait innocent de ce que fait le roi d'Arabie Saoudite à notre époque. Hein. Abu Hanfen, voilà comme ça. Sur quoi se sont basés les enfants du cher Fad Dakfir, au-delà du mouchlik, qui ont aussi la prêche du Tawhid. Alors sur quoi se sont basés, comme verset ou hadith, les enfants du Shia pour faire le takfir dans l'au-delà des mouchriks qui ont reçu la prêche du Tawhid? Bah déjà d'une, celui dont l'argument a été posé, il n'y a pas de problème sur le. Ça c'est d'accord, celui qui l'argument a été posé, il n'y a pas de problème que de dire que donc ce sont des mouchrikoun et des kafiroun dans cette dunya et dans l'au-delà, parce que l'argument a été posé. Je pense peut-être parce que c'était le contraire, c'est de dire. Comment ils disent que ce sont des mouchrikoun et des koufars sur terre, alors que l'argument n'a pas été posé. Mais ça, on en reviendra plus tard, Inch'Allah. Un moment, on se dit, oui, mais c'est un soi-disant pays musulman. Alors, l'Arabie Saoudite est un soi-disant pays musulman. D'accord, alors c'est pas vraiment le sujet de la rue, c'est pas vraiment de statuer sur l'Arabie Saoudite, est-ce que c'est toujours un Dar Islam ou est-ce que c'est un Dar Kouf et Dar Ridda, d'accord? Donc c'est pas vraiment le sujet du cours d'aujourd'hui, de statuer sur l'Arabie Saoudite et sur son gouverneur. Donc je vais pas trop en parler, parce que ça prend du temps, et puis j'ai pas trop envie du moins maintenant, on va en parler, Inch'Allah, pour en parler notamment. Certaines choses, mais pas là, je vois pas trop. Bien que concrètement, le fait qu'ils autorisent des mouchtekoun, des koufars, à faire le tawaf et de rentrer, donc faire une adoration, c'est comme si, comment dirais-je, ils voyaient qu'en fin de compte, que ces gens-là ne font pas de shirk ni de kouf, donc ils font pas, donc ils déclarent, c'est comme si, c'est que j'ai bien dit, c'est comme si ils déclaraient que ces gens-là, en fin de compte, peuvent aller au paradis avec cette religion du shirk. Et ça, ce qu'on va voir, c'est un aqid, c'est un motif de l'islam. Mais j'ai bien dit, c'est que c'est comme si. Comme ils ne le disent pas explicitement, on fait attention à ça. Ah oui, pour la réponse d'hier, sur la peine de Dar al-Kufr. Oui, ouais, j'ai le temps, là, je vais le faire, Inch'Allah. Voilà. Ça, par contre, je vais le faire maintenant, Inch'Allah. L'apostat qui se trouve dans Dar al-Kufr. Oui, parce que ça prend un petit peu de temps pour expliquer ce grand problème qu'il peut y avoir dans Dar al-Islam. D'accord? Oui, mais la réponse que je veux d'abord, comme j'ai dit hier, c'est de répondre par rapport à Dar al-Islam. Je vais juste vous retirer la possibilité, le pouvoir d'écrire le temps que je vais répondre pour pas qu'il y ait trop de questions et qu'après ça déborde. Et après, je vous redonnerai une fois que j'aurai fini sur ce sujet précis. Donc, on va donner un exemple. Il y a dans, on va dire, sur Terre, il y a un Dar Islam. D'accord? Il y a une terre qu'on appelle la terre d'Islam. Donc, c'est là où la charia est appliquée. D'accord? Et ce que je dis, c'est valable aussi bien pour notre époque que dans 100 ans ou dans 1000 ans ou autre. Car on ne sait pas quand est-ce que viendra le jour de la résurrection. Ça peut venir, il peut venir dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, dans 10 000 ans, on ne sait pas. Celui qui dit, ouais, c'est. Qui ne parle en quelle part, qui dit que Issa, al-Salam, Jésus, va venir dans 10 ans, il a parlé dans Al-Mulraïb, dans la science de l'invisible. Il faut faire attention. Donc là, ma parole, c'est qu'une personne qui se trouve dans l'islam, donc dans un tas d'islam, là où la charia est appliquée, dans un pays où la charia est appliquée, et cette personne connaît un musulman, et ce musulman, en fin de compte, c'est un murtad, un apostat, de n'importe quelle apostasie que ça soit. D'accord? Donc c'est pas la peine de dire tel ou tel, n'importe quelle apostasie. Et il sait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Man baddala dinahu faqtulouh. Celui qui change sa religion, alors tuez-le. Et on peut dire, je viens de dire, on peut dire qu'il y a unanimité que si un homme masculin est murtad, apostat, donc sa peine, c'est la peine de mort. Sauf s'il se repent, et ça dépend encore pour certains kufr, mais on en verra. On peut dire généralement pour toute rida, sauf exception, s'il se repent, il n'y a pas la peine de mort. Pourquoi j'ai dit l'homme masculin? Parce que, comme on l'a déjà vu, comme j'ai déjà parlé, dans le madhab al-Hanafi, d'accord, dans le premier madhab al-Hanafi, si c'est une femme, eh bien, il ne la condamne pas à mort, mais il l'enferme en prison jusqu'à ce qu'elle se repente de son kufr, de sa ridda, de son apostasie, ou sinon, bah, elle restera des années jusqu'à ce qu'elle meure en prison. Cet avis est faible. L'avis le plus juste, c'est que la femme murtada aussi, elle est sa peine, c'est aussi la peine de mort. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à si on est parce qu'il y a. J'en ai déjà parlé, mais je vais m'arrêter ici parce qu'il y a un petit détail à faire pour savoir si les Murtadoun, ils sont dans un Dar Kufr ou s'ils sont dans un Islam. En fin de compte, ils se sont réunis, ils ont fait comme un Dar Ridda dans un Dar Kufr, comme c'est passé au temps des Sahaba. Rappelez-vous de ce que je vous ai parlé par rapport à ça. Là, on va rentrer dans l'exemple où une personne est dans le Dar Islam, donc un pays où la charia est appliquée, et une connaît une personne qui est. Pour pas faire rentrer dans la divergence, par exemple, dans la personne qui est un homme qui est murtad. Et il veut le tuer. Et il le tue. Que se passe-t-il? Un musulman, on va dire, là, apparemment, donc un musulman a tué un murtad, d'accord? Un apostat. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il va se passer, il peut se passer pas mal de choses. Ça dépend en fin de compte de l'état du murtad et de ce que voit le juge al-Qadi. Imaginons que la personne, que le musulman qui voit un autre musulman qui dit lui c'est un murtad, c'est un murtad parce qu'en fin de compte il ne faisait pas la prière, il faisait plus la prière. D'accord? Comme on a vu, l'avis le plus juste, que celui qui ne fait plus la prière, ou qui ne fait pas la prière, qui fait aucune, mais vraiment aucune prière, d'accord? Que la prière en elle-même il ne la fait pas, mais vraiment aucune, l'avis le plus juste, c'est que c'est un murtad, un apostat. D'accord? Donc la personne va tuer cette personne. La famille du tué va se plaindre au juge qui vit juste suivant la charia. Il dit voilà, la famille de la personne tuée va dire au juge, un tel a tué notre membre de la famille, un tel, on veut le prix du sang. Le juge va, qu'est-ce qu'il va faire? Il va convoquer le tueur, il va lui dire, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que c'est toi qui as tué cette personne-là ou pas? La personne va reconnaître. Il va dire, bah oui, c'est moi qui l'ai tué, et j'en suis fier, c'était un murtad, un apostat, je l'ai tué. Il ne faisait pas la prière du tout, c'est un murtad. Et là, il y a un petit hic. C'est que le juge, eh bien, il ne prend pas l'avis comme quoi celui qui délaisse la prière, c'est un mécréant, mais il va prendre l'avis majoritaire, qui est l'avis qu'on trouve dans la majorité dans le madhhab Hanafi, Maliki et Shafi'i, comme on l'a vu. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, pour lui, cette personne a tué un musulman et pas un mécréant, parce qu'il n'est pas en accord, et c'est le juge qui va juste suivant ce que lui, il voit comme avis juste parmi les savants. Donc, cette personne qui a tué un murtad, parce que pour lui, il était murtad, il peut se faire tuer par la famille, parce qu'en fin de compte, pour le juge, il a tué un musulman. Donc, on fait très attention à cela, mes frères et sœurs. Deuxième cas. Le juge voit que celui qui délaisse la prière, eh bien, c'est un mécréant aussi. Eh bien là, la personne, il va pas, il n'aura pas le prix du sang à payer pour cet individu qui l'a tué, parce que le juge est comme a pris le prend l'avis comme lui, comme quoi celui qui délaisse la prière, celui qui ne fait pas du tout la prière, eh bien, c'est un murtad. Et donc, il a tué quoi cette personne? Il a tué un murtad, et donc son sang est halal. D'accord? Voilà. Et je vais détailler une autre chose. Je veux bien que je vais faire maintenant et après je vais prendre un autre exemple. Par contre, le juge, il va dire au tueur, viens ici, mon frère, il y a une chose que tu as mal fait. c'est que tu t'es permis de tuer une personne, d'accord, sans passer par l'autorité. Et que si on laisse faire ceci dans notre pays, tout le monde va chercher à se faire vengeance par lui-même sans passer par l'autorité. Tout le monde va chercher à tuer n'importe quel murtad qu'il estime qu'il est murtad et ça va être l'anarchie. Tout le monde va vouloir faire sa justice lui-même. Tu n'avais pas à faire ça. Tu devais passer par celui qui détient l'autorité afin d'appliquer cet acte qui est la peine de mort. Et là, le juge, s'il veut, il peut condamner le tueur. Non pas le prix du sang parce qu'il a tué quelqu'un qui était halal. Il n'a pas tué de musulman. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. D'accord? Donc il n'a pas de péché, il n'a pas tué un musulman, il n'a pas de péché contre un musulman. Seulement il a fait le péché comme quoi il n'est pas passé par le gouvernement musulman, je dis bien musulman, que l'on comprenne très bien, pour appliquer cet acte. Parce que si c'était comme ça, donc tout le monde, comme le dit le juge, tout le monde va vouloir faire sa justice lui-même sans passer par le gouverneur et autres, ça va être l'anarchie dans le pays. Donc le juge, il a la possibilité de faire ce qu'on appelle un tarzir. Comme on va l'étudier dans le Hudoun, interdire, c'est-à-dire que c'est une punition que normalement ne devra pas, on va dire, dépasser 10 coups de fouet pour le tueur. Pourquoi? Parce qu'il a fait une chose que normalement il aura dû transmettre à l'autorité, et l'autorité le faire, donc appliquer cette peine de mort. Surtout s'il n'a pas, si surtout par exemple, si le juge dit qu'il non, normalement il prend la vie, j'ai parlé de ceci, hein, il prend la vie comme quoi il fallait laisser 3 jours. Avant pour qu'il puisse faire la prière, et donc il va dire en plus tu as fait ça, donc ou s'il prend pas cet avis-là mais qu'une seule prière, donc Inch'Allah ça sera bon, mais dans tous les cas, il va lui dire tu as fait une chose que si tout le monde fait comme toi, ça va être l'anarchie dans le pays, et donc il faut stopper ça, et donc eh ben, je vais te punir, non pas pour le fait que tu étais un mécréant murtad, apostat, mais par le fait que tu fais une chose, normalement c'est au gouverneur de le faire. Donc le Qadi, il peut punir cet individu, non pas pour le meurtre en lui-même qui était halal, d'accord, mais pour avoir appliqué une peine qu'il ne revenait pas de faire. Voilà. Autre cas de figure. Un musulman connaît un autre musulman qui fait une apostasie. Ridda. Et cette apostasie, par contre, il y a ijmar, il y a unanimité comme quoi c'est un apostat, comme par exemple, je sais pas moi, bah comme on vient de voir par exemple celui-là qui va invoquer autre qu'Allah, surtout dans ce quoi Allah seul a la capacité, le pouvoir de faire, comme par exemple de guérir, etc. D'accord? Ou encore plus clair pour pas qu'il y ait de parole, une personne, par exemple, un musulman, connaît une autre personne qui se prétend musulmane, d'accord? Et ils deviennent amis, et il y en a un des deux qui dit à l'autre, en fin de compte, tu sais, en fin de compte, je crois pas en Dieu, je crois pas en Dieu de la résurrection, je suis un athée, je le cache à tout le monde, je le te dis à toi seulement, à toi seul, sache qu'en fin de compte, moi, je suis pas musulman dans mon cœur, je ne crois en rien. Il vient de dire quoi cette personne? Il vient de dire une apostasie, d'accord? Donc c'est en fin de compte, c'est un murtad pour qui? Pour celui-là qui vient d'entendre, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, pour celui-là qui vient d'entendre, en fin de compte, c'est un murtad. Parce que concrètement, c'est un munafiq pour le reste de la communauté. Le musulman qui entend l'autre dire ça, il lui dit, t'es sûr, tu rigoles ou pas? Il fait, non, non, je te le dis, donc voilà, etc. Et que décide, qu'est-ce qu'il décide de faire le musulman? Eh bien, d'appliquer la peine, qui est la peine de mort pour le murtad. Donc il le tue. D'accord? Il le tue. Problème, les gens de la famille de la personne tuée, d'accord, qui étaient, nous on le sait parce que je vous le dis, cette personne c'est vraiment murtad, il a dit de manière claire à la personne, d'accord, mais il le cachait à tout le monde. La famille de la personne qui est tuée va se plaindre au juge et dit, ouais, il y a un tel qui a tué notre membre de famille. Même scénario, le juge convoque le tueur, il fait, est-ce que c'est bien toi? Il y a cette famille-là qui me dit qu'il y a une personne qui est tuée, ils m'ont amené le corps, ils me disent que c'est toi qui l'as tué. Est-ce que c'est vrai? L'autre dit, ben oui, c'est vrai, tout à fait vrai. J'ai tué, c'était un murtad, en fin de compte, c'était un athée. Il me l'a dit. Comme quoi, en fin de compte, il ne croyait ni au jour de la résurrection, ni en Allah. Pour lui, il n'y avait rien après la mort. Donc voilà, donc j'ai tué quand même un murtad. Et là, il y a unanimité de tous les savants, il n'y a pas de problème sur ça. La famille, que dit la famille? La famille dit non, c'est faux, c'est un musulman. Il croyait en Allah, il croyait au jour dernier, etc. Que fait le juge? Le juge, il va voir le tueur. Il se retourne vers le tueur. Il dit, tu viens avec deux témoins. D'accord? Je veux deux témoins. Adl. honnêtes, qui ne font pas de grand péché ni rien, qui sont musulmans comme on va voir dans le fiqh. Si tu n'as pas avec ça, eh bien en fin de compte, il reste, à ce qu'on sache, sur lui ce qui reste musulman, et donc tu auras le prix du sang à payer. Et le prouve, si jamais il ne peut pas le prouver qu'en fin de compte, ces personnes, c'est un murtad, si tu ne trouves pas d'autres personnes qui peuvent témoigner de sa rida, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va avoir le prix du sang à payer. D'accord? Maintenant, j'espère que vous avez compris ceci, donc comment ça se passe pour le murtad de l'apostat qui est dans Dar Islam. Dans Dar Islam. Dans un pays où la charia est appliquée. On ne tue pas comme ça un murtad, un apostat. Il faut faire très attention. Suivant les cas de figure, ça peut retourner contre la personne qui l'a tué, même si cette personne est vraiment un murtad, un apostat, comme par exemple le deuxième cas de figure que j'ai cité, ou le premier cas de figure, mais en fin de compte, le juge ne prend pas cet avis-là. Donc, deuxième cas de figure que j'ai dit, là, où en fin de compte, la personne n'a la débit qu'à lui, donc l'autre ne peut pas venir avec d'autres témoins comme quoi il faisait du ridda, même s'il est de bonne foi, et bien, le juge, il peut que ne juger que par ce qui est la base, donc c'est que la base, c'est que la personne tuée, ben, la personne est musulmane. Et c'est qu'il y a une seule personne qui présente, et ça ne suffit pas, il faut deux témoins, adl et honnête. D'accord? Donc, il va avoir le prix du sang à payer, ou sinon, il peut se faire, si la demande, la famille le veut, sans aucune exception, quand on va l'étudier, et bien, la personne peut se faire tuer s'il demande que la personne se fasse tuer. Sinon, il faudra qu'il paye le prix du sang. Autre cas de figure, une personne dit, par exemple, toujours en Inde, dans un état musulman où la charia est appliquée. Une personne qui se dit musulmane dit du kufr, d'accord, ou fait du kufr, par exemple un truc clair, comme je viens de dire maintenant, il dit ouvertement devant plein de gens. Alors bien sûr, et comme bien sûr, il y a toutes les conditions de taïfil qui sont réunies, hein, c'est-à-dire qu'il a son racle, il a sa raison, il est balir, il est pubère, etc. Il n'est pas mukra, il n'est pas contraint par comment dirais-je, par menace de mort, on ne torture pas, ni rien. Donc une personne qui est musulmane, d'un coup, il va dire devant tout le monde, voilà, moi je crois pas en Dieu, je crois pas au prophète, il va même dire, bah moi je suis plus musulman, c'est fini, je sors de l'islam, je deviens athée, point. Et il dit ça devant plein de monde. D'accord? Une personne vient et le tue. L'affaire est remontée au qadi, au juge, qui est juge suivant la charia, bien sûr. La personne va dire au tueur, qu'as-tu fait? Tu as tué une personne. La personne qui a tué va dire, oui, mais j'ai tué un murtad, donc son sang est halal. Le juge va se renseigner. Et plein de gens vont témoigner, comme quoi c'est vrai, il a dit qu'il était athée, qu'il sortait de l'islam, qu'il ne veut plus être musulman, qu'il était athée. Donc, le juge, là, il y a plein de témoins, il n'y a pas de problème. Donc, il ne va pas. Donc, même si la famille n'est pas contente, donc elle n'a pas à ne pas être contente pour ça, entre guillemets, eh bien, il n'y aura pas de sang à payer, ni rien pour la personne qui a tué. D'accord? Par contre, là, le juge, comme pour le cas de la prière, où le juge voyait aussi que c'est le seul qui ne fait pas la prière, c'est un mécréant, il peut, pour la personne qui a tué, il peut, je veux dire que ce n'est pas obligatoire, il peut, pour la personne qui a tué ce mortad-là, cet apostat, dire, écoute, il aura fallu quand même que tu amènes cette affaire au gouverneur, d'accord, afin d'appliquer cette peine, que ce n'est pas à tout le monde dans le pays d'appliquer les peines, sinon ça va être l'anarchie, même topo pour ce que j'ai dit avant. Donc s'il veut, le cordi, le juge, il peut faire un tarzir, donc punir cette personne, non pas pour avoir tué un mécréant, un apostat mécréant, d'accord, mais pour avoir fait une peine sans passer par le gouverneur, d'accord. Et c'est pareil pour les autres peines, pour couper la main du voleur ou quoi, ça il faut passer par le gouverneur. Si les gens ne font pas ça, le gouverneur peut faire un tarzir. Punir les gens qui appliquent les peines eux-mêmes sans passer par le gouverneur, sinon c'est l'anarchie. Mais aussi le juge, il peut ne pas faire le tarzir et dire à la personne, écoute, là tu as bien fait, il avait dit ça devant tout le monde et tout ça, il aura pu s'enfuir du pays et tout ça, tu as bien fait, d'accord. Autre cas où il est possible, c'est quand de tuer un murtad sans passer le gouverneur, et en fin de compte en passant par le gouverneur, c'est quand par exemple le gouverneur il fait une annonce publique et il dit un tel, comme on dit en anglais, wanted, d'accord, et recherché, mort ou vif. On va même dire mort, hein. Claque, il plaquère sur les murs, Le portrait d'une personne ou autre à rechercher, c'est un murtad, c'est un apostat. Qui le trouve, le tue, sauf s'il se repent avant d'être tué. Et donc là, le musulman qui trouve ce murtad dans la rue, il peut le tuer, il faut quand même faire attention, il ne faut pas se tromper, parce qu'il peut y avoir un sosie, hein, il faut quand même faire attention. Donc là, c'est possible. Mais sinon, à la base, on n'applique pas les peines, les hudoud, que ce soit la peine de la mort pour l'apostasie, ou à rami, le fait de lapider la femme ou l'homme adultère, d'ailleurs l'homme qui a fait ou la femme qui a fait l'acte sexuel en dehors d'un mariage ou en dehors de la femme esclave alors qu'il a eu un mariage consommé, on verra ça en détail inshallah, ou de couper la main du voleur, etc. Tout ça, normalement, il faut ramener ça au gouverneur. Voilà, c'est ce que je voulais te parler notamment de ça hier. Si vous voulez, ça prend un peu de temps, je vais faire ça aujourd'hui, je le fais inshallah. Il est déjà 22h, donc là on va arrêter le cours. Je vais quand même vous redonner. Je lis les autres questions s'il y en a. J'espère qu'elles sont pas trop longues. Alors on me reparle du Coran. Ceux qui disent que le Coran est créé, ils sont bien kafir. Alors on fait un takfir al-umum. Donc cette parole là c'est du kufr akbar. Et celui qui le dit c'est un kafir. Mais par contre pour faire un takfir précis sur une personne, là il faut détailler, il faut voir la personne exactement ce qu'il dit. Donc soit pour faire le takfir sur une personne précise, là c'est pas comme le shirk dans l'adoration, d'accord, le shirk dans l'adoration où là la parole juste c'est qu'il n'y a pas de l'excuse de l'ignorance, il n'y a pas de tawil sa'ir, il n'y a pas d'explication même erronée à faire. Non, alors après, donc, Harun dit, car il pense que c'est une sifat d'Allah qui est créée. Lui, il va dire que le Coran, ce n'est pas une sifat d'Allah. Tout le problème est là. Il va dire que ce n'est pas une sifat d'Allah. D'accord? Si une personne dit qu'une sifat d'Allah est créée, là, c'est un kafir. Comme s'il dit qu'Allah est créé en lui-même, là. Mais le problème, c'est que ceux qui vont dire que le Coran est créé, ils disent que ce n'est pas une sifat d'Allah, le Coran tel qu'il est, tel qu'on l'entend. Le problème est là. C'est un problème assez plus ou moins complexe. Barakallahu fikum. Je parle de venir que même aussi dans le test qu'on pouvait s'assurer de leur permanence comme ça. Je n'ai pas trop compris. Là, je vais redonner de quoi écrire. Bon, déjà 22 heures passées, ça fait plus d'une heure et demie de cours. Inch'Allah, on va s'arrêter là aujourd'hui. On va continuer demain. Bi'iznillah. Je vous remercie tous. Barakallahu fikum. Si vous avez des questions, bah, on les reportez-les à demain. Inch'Allah. Et voilà, donc demain il y a cours dans le Hajj et dans le Tawahid. Hein. Il y a cours dans le Hajj, donc demain, on continue le Hajj dans le Fiqh demain et aussi dans le Tawahid. Barakallahu fikum. Uhibbukum fillah et je vous aime en Allah. Barakallahu fikum wa subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayhi.